Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons maintenant partir avec la première tranche des infos services et nous sommes avec le pasteur Boué Ferdinand, bonjour. Bonjour. Du MDRAM, un moment de délivrance, vous êtes là pour en parler. Tout à fait. Voilà, je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir nous retrouver sur ce plateau. Le ministère de la délivrance et du rachat des âmes, en abrégé le MDRAM, organise un grand moment de délivrance et qui aura lieu du 18 au 20 février de 18h30 à 21h et le vendredi 21 suivi de la grande veillée de 21h à l'aube. Et le thème qui va nous réunir pendant ce moment de délivrance est « Connaître et vaincre les tempêtes du désert ». Étant dans le désert, il y a des situations que nous vivons. Étant dans le désert, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de pouvoir vraiment entrer après dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et comment connaître ces choses et pouvoir les vaincre. Et ce thème sera traité par le prophète Niazalé Didier, qui est le président fondateur du ministère de la délivrance et du rachat des âmes, et le pasteur Timothée, qui nous vient de la France. Ça va se faire au centre évangélique des miracles situé à Faya, précisément derrière la clôture du nouveau camp sur la route de Djorobité. D'accord, un appel à lancer. Je vais inviter tout le corps de Christ à prendre part à ce moment de délivrance. Nous sommes dans le deuxième mois et nous croyons que Dieu, vraiment, en cette année 2020, a décidé de vraiment bénir plusieurs personnes, de voir vraiment aider ses enfants à entrer dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce programme a été organisé pour vraiment aider tout le corps de Christ, les pasteurs, les responsables, les ouvriers, le peuple de Dieu. D'accord, les contacts. Voilà, les contacts sont les suivants. Le 47 65 52 06, je reprends. Le 47 65 52 06 ou le 40 44 67 15. 40 44 67 15. Merci. Merci à vous, pasteur Boué Ferdinand. Nous allons maintenant nous tourner vers l'évangéliste Michel Séry. Bonjour. Bonjour, tonton Criso. Alors, la mairesse organise la midi de feu. Vous êtes là pour en parler. Oui, shalom, shalom, shalom, tous les fidèles auditeurs de la radio de la vie. En effet, la mairesse, la mission évangélique, la restauration conduite par le pasteur Amoncou Yapopol Sege organise, c'est devenu maintenant un quotidien, en ce sens que nous avons tous les mardis et tous les mercredis des prières de midi qui se déroulent entre midi et deux pour aider nos frères qui n'ont pas cette habitude, là, n'ont pas cette faculté de prier les midis. Vous savez qu'à midi, c'est un temps quand même d'assoupissement, c'est un temps où on cherche de quoi manger. Mais à midi, il fait chaud également. À midi, il fait chaud. C'est le midi de feu. Voilà, c'est le midi de feu. Feu dans feu. Feu dans feu, voilà. Donc, ça vous dit quoi? Ça veut dire qu'au lieu de te laisser assouper par un autre feu, hein, comme a dit papa de l'autre côté, feu étranger, il y a un autre feu qui vient de Dieu là, il faut venir pour que ce feu-là puisse t'animer. Le thème, c'est après Sarah Keturah. C'est pas fortuit le thème. Quand on parle de Sarah, on parle de Keturah, ça fait allusion à un monsieur qu'on appelait Abraham. Après Sarah Keturah. Pour qu'un vieux monsieur comme ça, il vient de perdre une femme qui lui a donné beaucoup une gloire, il s'en va encore marier une autre femme qu'on appelle Keturah. C'est un mystère. D'accord, une idée du programme. C'est de midi à 14h. C'est tout à l'heure, sous le coup de midi à 14h. Et demain, mercredi encore, de midi à 14h. Nous avons comme orateur, votre serviteur, l'évangéliste Michel Séry et le pasteur Narcis Wally. D'accord. Situation géographique, suivi de contact. Nous sommes à Cocody Plateau, en face du restaurant BMW, dans le quartier de l'église catholique Saint-Jacques. Tous ceux qui veulent nous joindre et nous rejoindre, nous sommes au 05 01 56 42, 05 01 56 42 ou le 01 54 83 80. Les midis de feu, c'est tout à l'heure sous le coup de midi. C'est cela, les midis de feu. Pour en parler, nous étions avec l'évangéliste Michel, la série de la mairesse. En tout cas, soyez en remerciés. Amen. ONG at Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Nous sommes avec monsieur Le Pacom pour parler des activités de la dite ONG. Oui. L'Alliance chrétienne pour la totale émancipation et la solidarité en Côte d'Ivoire continue d'œuvrer dans le domaine du social et il faut comprendre par là que At Côte d'Ivoire s'est donné la mission d'aider la population ivoirienne à acquérir des verres correcteurs et des montures à des prix sociaux. Et nous faisons notre effort pour permettre à tous ceux qui ont besoin des verres correcteurs d'avoir ces verres correcteurs à des prix réduits. Je voudrais ce matin dire à tous ceux qui nous entendent que à At Côte d'Ivoire, les visions de loin, visions de près, les foyers uniques, le minimum est à 15 000 francs. Les doubles foyers, le minimum est à 20 000 francs. Les verres progressifs, le minimum est à 40 000 francs. Et à At Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où vous avez effectué votre examen de vue, vous avez votre prescription, vous voulez avoir votre verre correcteur, vous pouvez vous adresser à tous nos cabinets. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h et les samedis de 8h à 12h. Pour les contrôles de vue, je conseille à tous ceux qui nous écoutent ce matin de venir de préférence dans la matinée, c'est-à-dire de 9h ou plus tard 14h, les praticiens sont là pour les recevoir et au-delà de 14h, 15h, c'est pas possible de les voir. Et je voudrais porter un conseil à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Allez-y. L'œil est l'organe le plus sensible. On ne peut pas changer l'œil comme on peut changer les autres organes. Faites très attention à tous ceux qui paient les verres correcteurs. Faites très attention. N'allez pas confier vos yeux à des ambulants. N'allez pas confier vos yeux à des personnes qui n'ont aucune compétence dans le domaine de la santé des yeux. L'œil à des spécialistes. Vous conseillez des types de verres appropriés à l'état de vos yeux. Et Art Côte d'Ivoire met tous ces spécialistes à votre disposition à des coûts réduits. Je dis bien à des coûts réduits. N'hésitez pas. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous avons deux cabinets d'optique lunetterie, l'un à Cocody Cité des Arts, entre l'école de gendarmerie et l'INSAT, et là-bas, vous pouvez nous joindre au 01 04 50 17, 01 04 50 17, ou au 79 14 61 47, 79 14 61 47. Nous sommes également à Yopougon, Kenya, précisément en face du bureau de la CIE. Nous partageons le même immeuble à la Bambini. Nous sommes au troisième étage. Vous pouvez nous joindre là-bas au 01 04 50 16. 01 04 50 16 ou au 79 14 61 48. 79 14 61 48. À Art Côte d'Ivoire, le social est une réalité. Bonne santé des yeux à tous et que Dieu nous garde. C'est du social, rien que du social. Merci beaucoup, monsieur Le Pacom de l'ONG Art Côte d'Ivoire. Monsieur Dan Alfred, Auto-école Colombe, vous êtes là pour nous dire quelque chose. Oui, nous sommes là, l'Auto-école Colombe, en partenariat avec la radio Fréquence Vie. En cette période de début de mois, nous invitons tous ceux qui nous ont appelés à venir participer massivement à cette opération et surtout ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas vraiment le temps parce qu'ils travaillent. Donc, il faut signaler que la radio Fréquence Vie est ouverte les samedis matins. Donc, pour ces personnes qui n'ont pas le temps dans la semaine, de faire l'effort de venir s'inscrire à la radio Fréquence Vie les samedis, au moins les samedis matins. À défaut, il faut nous appeler au numéro que je vais lancer à la fin de la communication. Alors, nous vous invitons, le prix est 95 000 francs pour toutes les catégories, c'est-à-dire les catégories A, B, C, D, E. Ceux qui sont à Yopougon, en Anéreb, vous pouvez vous rendre à l'auto-école La Colombe qui est située à Yopougon, en Anéreb, en face du supermarché Royaume des Prix. Et ceux qui sont loin de cette surface-là, vous pouvez nous appeler et nous allons vous dire comment vous pouvez faire pour avoir les cours à distance. Ce n'est pas un problème. Il suffit de nous appeler, nous allons vous dire comment vous pouvez faire. Et il faut s'inscrire à la radio Fréquence Vie muni de la photocopie de sa pièce d'identité, sauf la photocopie du passeport, à hauteur au moins de 50 000 francs. Et c'est du social. C'est du social. Le coût réel, c'est combien? Le coût réel d'un permis ABC2, c'est-à-dire un permis tout catégorie, c'est au moins à 150 000 francs, sans compter les frais annexes. Mm-hmm. D'accord. On réitère le contact. Le contact, c'est le 40 42 04 03. 40 42 04 03. Appelez ce numéro pour toutes vos questions éventuelles et pour toutes vos sollicitations. Merci beaucoup, monsieur Dan Alfred. Vous étiez là pour nous parler de l'activité de l'auto-école Colombe. Merci. Qui est comme toi, fils de Dieu? Qui est comme toi, mais si sauveur? Personne n'est comme toi. Parlons musique, mesdames et messieurs, nous sommes avec le chanteur, le mec de la grâce. Tout de suite, ils vont nous expliquer pourquoi le mec de la grâce. Ok, bonjour et bonjour. Bonnes années, on n'a pas eu le temps merci de se voir. Merci beaucoup, c'est vrai. C'est aussi un mois d'événement. Tout à fait. Donc, n'est-ce pas, vous souhaiter le meilleur. Merci et beaucoup. Et aussi aux techniciens. Alors, les mecs de la grâce, à l'état civil, c'est quoi mieux quoi, c'est les mecs. À l'état civil. Mec, c'est d'accord. Mon prénom. D'accord. Je n'ai fait que ajouter la grâce ici, une grâce. Mec de la grâce, merci c'est beaucoup. Vous alors, vous êtes là pour nous présenter votre album de belle facture, baptisé Rien que le sang de Jésus-Christ. Pourquoi cet institut? Rien que le sang de Jésus, parce que le sacrifice le plus puissant au monde est celui de Jésus-Christ. Mm-hmm. Et c'est son sang qui nous sauve, qui nous donne la vie. D'accord. Un album de combien de titres? 8 titres. Pourrais-je avoir quelques titres? Nous avons le titre Ébar, nous avons Rien ne peut sauver mon âme. C'est lui qu'on a écouté tout à l'heure. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? D'accord. Un ACAP. Qui est comme toi? Jésus-Christ, qui est comme toi? Jésus-Christ, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Il nous a tant aimé qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, mes frères, ne périsse point. Hein. Merci beaucoup. La suite, c'est chez vous, mesdames et messieurs, avec l'album du chanteur Le Mec de la Grâce. De la Grâce. L'album coûte combien? Et 3000 francs. D'accord. Et les thèmes abordés dans cet album Nous parlons du sang de Jésus, de l'amour de Jésus, de la reconnaissance de l'Église. Mm-hmm. Et parce que aussi, nous avons des chants qui exhortent les frères et sœurs. n'est-ce pas, à savoir que nous partons à l'église à cause de notre salut. C'est pas à cause du mariage, mm-hmm. c'est pas à cause du travail, c'est mm-hmm. pas à cause d'une telle guérison. Mm-hmm. Croyons, faisons, servons d'abord Dieu, croyons, cherchons d'abord notre salut et tout nous sera donné. Mais c'est bien dit, le mec de la grâce. Et pour avoir cet album, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir cet album, l'album est disponible depuis le 24 décembre 2019 et disponible dans tous les bacs à Fréquence Vie ici. Mm-hmm. Vous avez la possibilité, mais on m'a signalé qu'il y a une rupture ici à 3000 francs. D'accord. Vous pouvez vous procurer l'album. D'accord. Et vous-même, vous êtes disponible? On peut vous inviter? Oui, disponible. Vous pouvez m'inviter. Il n'y a pas de problème. D'accord. De toute façon, nous sommes là pour servir le Seigneur. D'accord. Vous pouvez nous joindre au 57 29 02 29 57 29 02 29 ou le 49 42 60 72 49 42 60 72. Merci beaucoup, le mec de la grâce. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent. Allez, merci, que Dieu vous bénisse. Pasteur Abraham de Christ, bonjour. Bonjour Christophe. Donc je vais dire d'abord merci à la radio Fréquence Vie et à son directeur. Bonjour aux auditeurs. Mm-hmm. Voilà, je suis là pour parler de la formation biblique qu'organise le séminaire Life and Ministry. Le séminaire Life and Ministry, en abréviation SLM, mm-hmm. est une plateforme d'enseignement biblique destinée à ceux qui ont soif de la parole de Dieu mm-hmm. ou ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu. Donc, pour cette édition, nous aurons 15 modules qui sont, par exemple... 15 modules? 15 modules. D'accord, pourrais-je avoir quelques modules? Par exemple, l'intégrité de la parole de Dieu, les choix de l'esprit, nous avons aussi le langage du royaume, le témoignage de Jésus-Christ et puis la sagesse divine, etc., etc. Mm-hmm. Voilà, donc c'est une formation qui va durer 4 mois pour 15 modules. Donc les 4 mois d'affilée? Exactement. D'accord. Donc les participants doivent choisir, s'inscrire dans l'un des groupes suivants. Nous avons 3 groupes. Le groupe 1, les cours auront lieu les jeudis de 9h à 12h. Et avec ce groupe, nous commençons le 20 février. Le deuxième groupe, c'est les vendredis de 9h à 12h. Nous commençons le 21 février. Le troisième groupe, ce sont les samedis de 9h à 12h. Mm-hmm. Avec ce groupe, nous commençons le 22 février. L'inscription et la formation ne sont pas payantes. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, donc que vous soyez riche ou bien vous n'êtes pas riche, venez, l'argent ne doit pas être un obstacle. Nous sommes situés à Yopougon, troisième pont près de la gare UTB, face à la police nationale. Mm-hmm. Okay, pour les inscriptions ou toute autre information, vous pouvez appeler le 4201 2 x 30 4201 3030 ou le 62 114 34 06 62 114 34. Merci beaucoup, Pasteur Abraham de Christ. Il était là pour nous parler d'une formation biblique en vue qu'organise le séminaire Life and Ministry. Soyez en remerciés. Merci. Tout peut arriver, le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme. Pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Nous sommes avec Madame Sey, bonjour. Bonjour très cher, merci beaucoup. Chargée de com, de qui? Du chanteur René Ismaël Achia. Combien de titres? 5 titres, on dira tout simplement un maxi single. D'accord. Il a déjà un premier album, un deuxième et maintenant passons, parlons du maxi single. D'accord, un maxi single baptisé? Alors le maxi single, il est baptisé, on va le dire, hein, parce que il transporte le peuple au travers de ses différents cantiques et il est baptisé. Jésus est la solution. D'accord. Et ce on nom. Contrôle pour dire Jésus D'accord. est la solution et Dieu est Jésus. Oui, c'est pareil, il y a pas de souci, il est au contrôle. C'est cela même. Dites-nous, cet intitulé n'est pas fortuit. Oui, pas du tout, pas du tout, pas à cause du contenu. Mmh. Le contenu de ce maxi single, Jésus au contrôle, déjà c'est un titre même d'ailleurs, Jésus au contrôle de tout ce que nous pouvons traverser, Jésus au contrôle parce qu'il est celui-là qui nous guide chaque jour. Alors Jésus au contrôle, pourquoi? Parce que le maxi single, c'est pour aussi transporter le peuple de Dieu parce que c'est un adorateur et également des cantiques par lesquels nous pouvons danser. Mais aussi prendre conscience du contenu aussi de ce maxi single et aussi des cantiques de supplication. Parce que il est important, nous dansons, nous sommes heureux, mais il est important de supplier notre Seigneur. Pour, c'est vrai qu'on pourra dire simplement que nous péchons, c'est vrai, mais supplions le Seigneur en toutes circonstances, car il est celui-là qui a surtout le dernier mot sur notre vie. C'est cela. Et pour avoir ce Massé Single, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement se rendre à la radio Fréquence Vie. Et puis se causer deux plateaux, Carrefour, la librairie Carrefour à Cocody, et la librairie Life, librairie Ebenezer. Et aussi au Vallon, on le dira, au Vallon. D'accord. Et puis on pourra donner aussi les contacts pour toutes ces personnes qui veulent, d'accord, évidemment, que nous puissions. D'accord, les contacts à la fin de notre entretien. Déjà, sous d'accord. Sous peu. D'accord. Alors pour avoir le chantre, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir le chantre, il est également. Est-ce qu'il est disponible? Il est disponible. Bien sûr, de jour comme de nuit. D'accord. Toujours disponible. Mm-hmm. Donc on tapera simplement deux contacts. Mm-hmm. Allez-y. 49 01 63 91. Le 49 01 63 91 et également le 01 17 47 62. 01 17 47 62. Tapez tout simplement ces deux contacts et vous aurez l'album, disons le maxi single. D'accord. Vous aurez également le chantre. Donc procurez-vous tout simplement l'album, d'accord, pour que vous puissiez adorer le Seigneur. D'accord. On y trouve aussi hein, Sans Calculer, le titre qu'on aime pas. Tout à fait, Sans Calculer. Oui. D'accord. Ce maxi single est vendable et vendu. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'opportunité que je vous en prie. Que Dieu bénisse. Je veux t'honorer. Par ses mains levées, je veux chanter. Et...